voir la musique comme un spectacle. Plus tu t'éloignes de la solution. Pourquoi la musique se voit enfermée en série rétrécie par des tas de règles. Elle ne se joue plus à l'air libre, dans le vent, sur les flots, dans l'herbe, sur les dunes. Qui est le dictateur caché de tout ça? Et tu vois la musique comme un spectacle. Plus tu t'éloignes de la solution. Nombreux qui savent que des musiciens volent l'attention de milliers de gens. Uniquement pour écraser la pression sur une seule personne. La mettre dans les genoux de l'adoration. C'est qu'une affaire privée qui peut se résoudre par téléphone perso. Alors pourquoi supporter tout ça? Plus tu vois la musique comme un spectacle, plus tu t'éloignes de la salle. Chansons qui sont des armes pour meurtrir ou décimer. Toutes ces paroles de dictateurs qui claquent comme des ordres sur qui faut aimer ou pas, fréquenter ou pas, s'acharner ou pas. Des chansons qui ont des gueules de matons et disent ce que est supposé faire, qui fait l'exact tout inverse. On te dit qu'ils voyagent en solitaire alors qu'ils n'aiment que les collectivismes. Et tous les autres mensonges, idem. À quoi ça sert tous ces rôles truqués? S'arrête tant de te le demander. Pour savoir que la racaille est dans sa main. Plus tu vois la musique comme un spectacle, plus tu t'éloignes de la solution. Plus tu t'éloignes de la solution. C'est quoi la trouille de ces imposteurs? Que les gens comprennent que s'ils avaient créé des coopératives de production et de diffusion partout, le système capitaliste aurait été aboli depuis 30 ans. Ce sont bien eux les plus grands défenseurs réels de ce système. Ils se déguisent juste en faux rebelles sur la pochette. Serait temps de virer les imposteurs et de faire de la musique la plus gigantesque coopérative. De toutes les trahisons et les flicages des médias, serait bien exclu. L'été voit la musique comme un spectacle. L'été t'éloigne de la vie.